Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Car il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit-le, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image. Tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, Seigneur, pour son Fils bien-aimé, il nous a donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre frères et sœurs bien-aimés, ça y est, les vacances sont terminées, l'école a repris. Nous sommes entre nous, voilà, les vacanciers nous ont fui, il y a encore quelques vacanciers avec nous, mais nous sommes entre l'Avent-Douvrin et nous fêtons aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce baptême de Jésus, vous savez, fait partie des trois grandes fêtes qui constituent ce qu'on appelle l'épiphanie du Seigneur. L'épiphanie commence à Noël, Jésus se manifeste. Elle continue à l'arrivée des mages et elle se termine, disons que le point d'orgue, c'est le baptême de Jésus. L'épiphanie, la manifestation de Dieu en Jésus-Christ. Alors préparez-nous à vivre cette manifestation qui va au plus haut point se réaliser dans l'Eucharistie en reconnaissant humblement et avec une infinie confiance que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants l'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèle à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce que s'établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, à peine sommes-nous sortis de la crèche de Bethléem que nous avons dû enjamber l'enfance, l'adolescence, quelques 30 années de vie pour nous retrouver au bord du Jourdain alors que Jean, le cousin de Jésus, baptise à tour de bras tous ceux qui se préparent à accueillir et à entrer dans le royaume. Mais nous allons encore garder nos crèches, n'est-ce pas ? Quelques jours, bien sûr, jusqu'au 2 février. Nous allons les garder dans nos églises, dans nos maisons, parce que, eh bien, il nous est toujours bon de rester encore un peu le plus longtemps possible dans le rayonnement du mystère de Noël, de ce petit enfant qui répand le feu de l'amour divin, ce nourrisson qui souffre déjà, par amour pour chaque être humain, ce nourrisson qui est Dieu, Dieu en personne, le Créateur de l'univers. Bien-aimés, nous n'aurons jamais fini de contempler, de méditer ce mystère, de penser à ce petit homme qui vient du ciel et qui plus est, qui tient nos vies dans sa main. Sa toute petite main de nourrisson, sa main si fine, si délicate. Pensez donc. Il tient tout dans cette main. Pensez aussi à cette expression que nous mettons parfois, vous savez, au détour d'une phrase. Je l'aime bien cette expression. Quand nous parlons du temps qui passe, nous disons chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait. Et c'est bien vrai, c'est Dieu qui fait chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant de notre vie. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Et c'est lui. C'est ce petit homme, Jésus, qui fait tout ça. C'est important de penser à ça, parce que c'est l'événement le plus déterminant de l'histoire de l'univers qui s'est produit cette nuit de Noël, et qui fait que notre religion est la seule qui donne l'assurance parfaite de nous conduire à Dieu. Puisque notre religion nous apporte Jésus, elle nous conduit à Dieu, elle nous conduit à Jésus. Alors si aujourd'hui nous célébrons le baptême de notre Seigneur, c'est bien pour imprimer en notre âme, en notre intelligence, en notre sensibilité, cette vérité fondamentale que Jésus est Dieu. Vérité sans laquelle rien de notre existence terrestre ne vaut réellement le coup d'être vécu. Si Dieu le Fils, deuxième personne de la très sainte Trinité, Dieu né de Dieu, lumière véritable, née de la lumière véritable. Si Dieu, le Fils, ne s'est pas incarné pour de vrai, si ce n'est pas vraiment lui qui a foulé la terre sous les traits d'un homme, avec un cœur d'homme, avec une sensibilité d'homme, avec une volonté d'homme, eh bien, je vous le dis, nous ne pouvons pas connaître, nous non plus, le véritable visage de Dieu. Tous les visages que nous nous ferons de Dieu seront des visages déformés, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui fait peur, d'un Dieu dont on se cache, que l'on craint. Et donc, le ciel reste inatteignable, infiniment lointain pour nous, si ce n'est pas lui. Nous ne pouvons pas dire que nous avons accès auprès de Dieu, que nous sommes certains de sa miséricorde, de son pardon, que nous connaissons le chemin de la vie éternelle, que nous avons un pain céleste qui nourrit notre âme, que nous avons en nous cette vie divine, cette vie surnaturelle qui fait que nous sommes vraiment ce que nous sommes, des hommes. Il est essentiel, frères et sœurs, pour notre santé spirituelle qui est infiniment plus importante que la santé de notre corps, que nous nous sommes souhaités allègrement pendant tous ces jours de, de début d'année, et la santé, et surtout la santé. Et puis s'il y a la santé, il y a rien, tout va bien, n'est-ce pas? Mais la santé de l'âme, bien sûr, hein, la santé du corps, bon, ben, c'est pour un temps. Puis il y a bien un moment où ça va se déglinguer. C'est la santé de l'âme qui est importante, hein? Elle est bien plus importante que tout. Donc il est essentiel pour la santé de notre âme que nous soyons assurés jusqu'au plus profond de notre être que celui que nous célébrons dans nos églises, à qui nous parlons au fond de notre cœur, que nous contemplons sur nos crucifix, sur nos icônes, et qui se laisse voir, toucher réellement dans l'hostie consacrée, c'est bien Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu amour, amour tout-puissant. Alors pour cela, nous allons ensemble au bord du Jourdain et nous nous laissons imprégner de l'atmosphère de foi, de piété, de crainte de Dieu qui règne autour de Jean-Baptiste. Vous le voyez enfoncé dans les eaux de ce petit fleuve qui coupe la Terre Sainte en deux. Il a de l'eau jusqu'aux hanches, il a sa peau de chameau qui trempe dans l'eau et qui lui gratte l'épiderme. Sa longue barbe et ses cheveux hirsutes laissent entrevoir son visage, visage émacié, brûlé par le soleil, son regard empreint de joie et de souffrance, sculpté par la prière et par le jeûne. Frères et sœurs, quand on voit Jean-Baptiste, on est saisi de crainte, parce que ce n'est pas lui qu'on voit, c'est le Saint-Esprit qui l'imbibe complètement et qui le conduit. Alors la foule est là, qui vient se faire baptiser, mais attention, Jean le dit bien, à tous ceux qui lui demandent qui il est. « Je ne suis pas le Christ, attention !» Moi, je vous baptise dans l'eau. Regardez cette eau. Elle est toute boueuse, l'eau du Jourdain. Je ne fais qu'à préparer quelque chose d'autre. Le baptême que je vous donne, ça n'est qu'un geste rituel qui atteste que vous attendez une purification de votre âme. Mais bien sûr, ce n'est pas cette eau boueuse qui va purifier votre âme. La purification de votre âme, celle qui permet de se tenir devant Dieu, d'entrer au ciel, eh bien, il n'y a que Dieu qui puisse l'accomplir. Il faut pour notre âme, il faut un feu spirituel, un feu qui brûle les péchés. Il faut une eau spirituelle, une eau qui lave les âmes. Il faut le feu du ciel, il faut l'eau de la vie, il faut l'Esprit Saint. Moi, je ne suis qu'un homme, et j'ai reçu la mission de vous préparer à recevoir ce feu, qui ne peut venir que de Dieu. Mais voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Moi, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alors Jésus apparaît. Jésus, Dieu venant du ciel, descendu sur la terre en Galilée, où il a grandi à l'ombre des ruelles de Nazareth, sous le regard attentif, humble et doux de Joseph et de Marie, sa mère. Et il descend au point le plus bas de la terre, dans le lit du Jourdain, pour être lui aussi baptisé par Jean. Mais Jean, par une lumière intérieure de l'Esprit Saint, sait bien à qui il a affaire en voyant Jésus. Il est tout troublé que Jésus lui demande de le baptiser, vous comprenez ? Il sait bien, il a bien vu que Jésus est purifié, pur, totalement pur de tout péché. « C'est moi, dit Jean, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu me demandes de te baptiser. » Regardez son humilité, enfin regardez l'humilité de ces deux-là, Dieu du ciel qui descend au point le plus bas, et Jean qui s'humilie devant Jésus. C'est vraiment la marque du Saint-Esprit de Dieu là, l'humilité de ces hommes. Le premier est Dieu, né de Dieu, il s'abaisse pour être baptisé par un homme, et l'autre est un grand prophète, respecté, adulé par toute une cohorte de disciples, et il s'abaisse devant cet inconnu qui lui demande le baptême. Mais ce que Jean ne sait pas encore, c'est que c'est précisément en passant par ce baptême de l'eau que Jésus va lui conférer sa grâce. C'est en étant lui-même baptisé qu'il va faire de ce geste symbolique un véritable sacrement. C'est parce que Jésus se soumet au baptême qu'il fait du baptême un sacrement. C'est-à-dire, un sacrement, eh bien, un moyen infaillible, sûr, de nous donner la grâce du pardon, la grâce du salut. Jésus répond donc avec simplicité avec Jean, laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, c'est-à-dire d'accomplir le pardon des péchés. Et voilà que Jean laisse faire Jésus, comme dit le texte de saint Matthieu. C'était étonnant cette expression. Alors il le laisse faire. C'est pourtant lui qui va donner le baptême. Mais en réalité, voyez, c'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui agit. C'est Jésus qui sanctifie le baptême, qui sanctifie les eaux en se faisant baptiser par Jean. Alors, frères et sœurs, ceci est très important, c'est capital pour nous. Dans le baptême, comme dans tous les sacrements, nous devons comprendre que, à travers les gestes du prêtre, du diacre, du ministre, c'est véritablement Jésus lui-même qui agit et qui donne sa grâce. Lorsque le prêtre lève la main sur le pénitent et qu'il prononce les paroles « Je te pardonne », c'est Jésus qui agit. C'est sa grâce qui se répand dans l'âme. La puissance de Dieu se diffuse en quelque sorte dans les eaux du Jourdain pendant que Jésus se laisse immerger par Jean. En remontant des flots, le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint se laisse voir dans les ailes d'une colombe qui descend à pic sur Jésus et qui se met à virevolter autour de lui. Et la voix du Père résonne dans l'atmosphère et frappe les oreilles de la foule. « Tu es mon Fils bien-aimé ! En toi je trouve ma joie !» Dieu, Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit se manifestent sous nos yeux. Un seul Dieu, trois personnes, nous indique la feuille de route de la vie des baptisés, la vie baptismale. Et la feuille de route, c'est Jésus. Suivre Jésus, aimer Jésus, le mettre au centre de notre vie, mettre en lui notre joie, le mettre au centre de notre cœur, de notre espérance, c'est ce que veut accomplir la grâce du baptême. C'est en ça que consiste le baptême chrétien. Et si la Trinité a voulu se manifester avec autant de force, autant de clarté à la foule des pénitents qui se trouvent avec nous au Jourdain, c'est qu'elle désire que s'imprime en nous l'amour pour cet homme, Dieu. Alors aujourd'hui, en faisant mémoire du baptême de Jésus, vous avez bien compris, c'est en réalité de notre propre baptême qu'il faut faire mémoire. Le baptême que nous avons reçu, pour quoi faire? Pour nous laver la tête avec un peu d'eau? Non. Pour mettre Jésus au centre de notre existence. Pour pouvoir mettre Jésus au centre de notre existence, il nous fallait avoir l'âme purifiée, il fallait que le Saint-Esprit descende en nous. Et alors, si nous le laissons faire, comme Jean, il peut venir au centre de notre vie, il peut nous conduire, il peut nous transformer, il peut nous purifier, il peut nous sanctifier, il peut nous diviniser et nous faire monter vers le ciel. Alors, la question que nous devons nous poser et que nous sommes tous en train de nous poser maintenant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Qu'avons-nous fait de notre baptême en réalité? Au-delà de tous les petits efforts peut-être que nous avons peut-être fait dans notre vie, il faut que nous reconnaissions qu'une bonne partie de la grâce du baptême que nous avons reçue a coulé sur notre âme comme l'eau sur les plumes d'un canard. Nous n'avons pas su l'accueillir. Reconnaissons-le. Est-ce que Jésus fait vraiment partie, est vraiment au centre absolu de notre existence? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où le mettons un peu de côté? Alors aujourd'hui, voyez, si nous fêtons ce baptême de Jésus, c'est parce que Jésus veut renouveler la grâce de notre baptême. Donc, la grâce est en train de descendre maintenant. Elle se répand sur notre assemblée d'une manière très forte. Accueillons donc cette grâce de Dieu qu'il veut nous donner en nous rappelant ce sacrement que nous avons reçu. Et pour nous y aider, il va nous combler immédiatement, comme il le fait chaque dimanche et chaque jour, d'un autre sacrement. Lui-même va descendre de nouveau sur l'autel pour venir au centre de notre être, au cœur de notre cœur, au centre de notre corps et de notre âme. Devant l'hostie élevée dans quelques instants, devant le saint sacrement de l'autel, devant la présence de Dieu, ce Dieu qui est descendu sur terre pour nous montrer le véritable visage du Père et pour habiter notre âme. Ouvrons notre âme, ouvrons notre cœur totalement, sans réserve, avec une infinie confiance, pour le laisser faire, pour le recevoir, lui qui nous aime et qui ne veut que notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petite virgule musicale pour nous aider à accueillir la grâce. Professons maintenant ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris la chair. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble en ce jour du baptême du Christ pour tous les chercheurs de sens, tous les chercheurs de Dieu, tous ceux, toutes celles qui se posent la question de leur propre baptême. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour nous tous qui avons reçu le baptême, pour que nous soyons témoins de la paix et de la justice par Jésus-Christ, le Seigneur de tous, nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous les dirigeants, partout en France et dans le monde, pour qu'ils exercent leurs fonctions avec sagesse et humilité et avec une authentique droiture dans la poursuite du bien commun. Nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les populations qui habitent dans les zones de guerre, pour les victimes des intempéries et du drame qu'a connu la Suisse, nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour notre communauté paroissiale, afin que nous prenions de plus en plus conscience dans notre vie du sacrement dans lequel nous avons été plongés par le baptême, nous te prions, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Jésus-Christ, toi dont nous fêtons aujourd'hui le baptême, écoute nos prières et daigne nous exaucer. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle, viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. victoire. Ô l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de mes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit, descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. Lenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifice pur et saint que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque François, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre. Oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous, Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire en lui. Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il atteint humble et pauvre, mendiant de notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien.

Rassasiés de ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vais prendre quelques jours pour voir ma famille, d'abord, et puis pour me reposer un petit peu cette semaine. Donc il n'y aura pas d'adoration mardi, mercredi et jeudi matin, mais je serai de retour pour la veillée de jeudi soir. Donc jeudi soir, c'est, je ne sais plus quelle, la cinquième veillée, jeudi de la foi, rendez-vous ici à 20h, louange, enseignement et adoration. Vous pouvez vous inscrire ensuite pour la nuit d'adoration qui va suivre, toujours, vous connaissez le principe. Il y a donc la feuille d'inscription à côté de la porte d'entrée latérale. Et puis bien sûr, vendredi matin, adoration, messe, comme tous les vendredis. Donc il n'y aura pas non plus catéchisme ce jeudi pour les adultes. Le catéchisme reprendra le 22 janvier, la semaine prochaine. Voilà, je vous signale cette date que vous pouvez inscrire maintenant dans vos agendas. La date, c'est le samedi 7 mars, que vous pouvez bloquer, de 8h à 18h. Nous irons en pèlerinage, tous ensemble, à Notre-Dame de Bargemont. Notre-Dame de Bargemont, c'est un petit sanctuaire qui a été longtemps oublié, mais qui renaît depuis quelques années. Un endroit où la Vierge Marie est apparue, donc c'est un petit sanctuaire du Haut-Var, pas très loin de chez nous. La Vierge Marie est apparue là, et aujourd'hui encore, elle fait des miracles. Donc c'est pour ça qu'il revit ce sanctuaire, c'est très étonnant. Donc je vous invite à découvrir avec moi, parce que je ne suis jamais encore allé, ce sanctuaire de Bargemont le 7 mars. Ce sera le premier samedi du mois, raison de plus pour venir, puisque vous êtes tous maintenant consacrés à la Sainte Vierge. Premier samedi du mois, on fait une démarche, au moins la messe du premier samedi du mois, pour la Vierge Marie. Voilà. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et un beau saint dimanche à tous, une belle fête du baptême du Seigneur, à tous les Lavandourins, à tous les Borméens aussi, je sais qu'il y en a beaucoup, et puis à tous ceux qui viennent d'ailleurs encore. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, ô jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais.